pied de la croix, nous pouvons nous réjouir par la foi. Nous nous rencontrerons sur ce beau rivage, jamais vieillir, jamais vieillir, jamais nous ne vieillirons jamais.